13e chapitre, 7 heures du soir. C'est la dernière fois aussi que je viens de procéder à l'allumage du feu. Elle finit assez mal au dehors cette journée après laquelle, durant tout un mois, j'ai tant soupiré. Les vents ont incliné vers le suroît. Une aile sombre, une aile d'une envergure immense et comme ouatée par place d'un duvet grisâtre, monte et plane sur la mer où frissonnent des teintes sinistres, des glauques et des violets innommés. Saint, toute noire, semble baignée dans une mare de sang refroidi. Une étoile qui s'essayait à luire a pris peur et s'est éclipsée. Seule, les phares dardent leurs prunelles intermittentes ou fixes au milieu de cette grande ténèbre soudaine, annonciatrice de l'ouragan. Ainsi que vous le trouverez porté à la feuille de service, ils sont tous visibles ce soir, depuis le palais clair de l'Armen jusqu'à la crinière étincelante que secoue le Stiff, pas un ne manque à l'appel. Les eaux peuvent s'ébrouer, le grain peut fondre, les sentinelles atlantiques sont à leur poste. Allons, achève de régler tes comptes avec la vie, dur moribond de Gorlebella. Le Léon, je vous l'ai dit, n'est point une terre à légende, mon ingénieur. On y est peu sensible au charme des beaux récits où s'enchante l'âme très coroise. La superstition, en revanche, y pousse dans les esprits une racine tenace et les enserre des mille replis de ses sarments noueux. Le plus souvent, elle y revêt un caractère funèbre. La constante préoccupation de la mort est sur cette race. Ses monuments les plus artistiques sont, avec ses églises, ses ossuaires. À Saint-Paul, nos professeurs ne se faisaient pas faute de nous conduire en promenade au cimetière de la ville et de nous détailler à plaisir les richesses d'ornement de son enceinte qu'ils comparaient au Campo Santo. J'ai eu occasion, je crois, de mentionner dans ces pages la béguine qui m'enseigna mon catéchisme. De temps à autre, elle complétait le texte orthodoxe par des gloses de sa façon. Elle nous disait, par exemple, lorsque l'âme, au moment du trépas, quitte le corps, elle a certaines formalités terrestres à remplir avant de se présenter au tribunal de Dieu. Pour cela, elle se change soit en souris, soit en moucheron, soit en quelque animal encore plus subtil et plus fugace. Ainsi déguisée, elle va, trotte, vole. Tous les objets qui lui ont servi de son vivant, toutes les bêtes qu'elle a employées, tous les lieux qui évoquent pour elle un souvenir ou joyeux ou triste, il faut qu'elle les effleure, qu'elle les visite, qu'elle les parcourt, en un mot, qu'elle prenne congé d'eux. Et la béguine concluait en baissant mystérieusement la voix. Retenez-le, car ce n'est pas dans les livres, cela s'appelle la randonnée de l'âme défunte. La randonnée de l'âme défunte. Voilà bien ce que fut cet étrange, ce fantomatique voyage au pays de mes origines et de mon printemps. Landerneau est le seuil du Léon, mon ingénieur. Je m'étais dit, je ne le franchirais pas. J'avais même commencé de rebrousser chemin vers le sud avec l'intention de regagner la Cornouaille par petites étapes. Mais dès la montée de Pencréache, au 3e kilomètre, mes jarrets fléchirent. Je m'assis sur un tas de cailloux. Au soleil baissant, je n'avais pas bougé d'une semelle. J'étais sans courage. Des rouliers passèrent qui allaient dans la direction de la ville. Je reconnus, à leurs clochettes tintinabulantes, les harnais des minoteries de l'Élorne en aval de Plounéventerre. Un des hommes remarqua mes traits abattus, mon air d'extrême lassitude. « Si vous venez par là-bas, il y a la place pour vous sur les sacs vides !» me cria-t-il. Il m'indiquait du bout de son fouet le bleu des collines léonaises, déjà touchées dans le lointain par les premières ombres du soir. Je répondis non de la tête. Mais lorsque les lourds chariots eurent disparu dans la descente, un regret me poignit le cœur. les voix des clochettes continuaient d'arriver jusqu'à moi. On eût dit qu'au lieu de s'éteindre, leur carillon en marche se faisait plus distinct et plus sonore. Peu à peu, ce fut comme un ensorcellement, comme une hantise. Elles tintaient de toutes parts maintenant, et leur musique était un langage qui signifiait « Lève-toi donc et suis-nous ». Je me levai et je les suivis. 4 heures plus tard environ, je reprenais contact avec la terre que je m'étais juré de ne point revoir. J'espérais tressaillir de la seule allégresse qui me fut encore permise en m'y retrouvant. Je m'aperçus au contraire que je n'avais plus rien de commun avec elle. Vainement je la parcourus en tous sens. Vainement je rôdais par ses champs, ses landes, à la recherche de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse. Oh, ce n'était pas que les choses eussent changé, ni non plus, ou à peine, les êtres, mais ceux-ci comme celles-là, qu'ils m'étaient donc devenus indifférents, étrangers. Ce bourg, oui, j'aurais pu dessiner de mémoire la silhouette de chacune de ces maisons. Cette église, parfaitement, pendant des années j'avais prié d'une lèvre fervente, agenouillée dans ce banc d'œuvre. Et cette fontaine au bas de ce pré, et cette fougeraie au versant de ce coteau, et le glissement silencieux de la rivière entre ses coudres et ses saules, certes, certes, et après. Est-ce que tout cela avait été, à proprement parler, de la vie véritable, de la vie vécue, ma vie? Qu'avais-je en cherché ici les traces? N'était-elle pas née avec mon amour pour Adèle Lézurec, la très corroise? Ne venait-elle pas d'être tarie jusqu'en ses sources les plus profondes par sa trahison? Un instant, je doutais si je pousserais jusqu'à Kerdanou. Je m'y acheminais néanmoins le lundi soir, à nuit close. Je devrais plutôt dire que je m'y traînais, car ces 3 jours et demi de macération m'avaient exténué. J'avais pris un sentier de traverse qui aboutit derrière la ferme. J'évitais ainsi d'être signalé par le chien, dont la niche était située près du porche de la cour, de l'autre côté des bâtiments. De plus, j'arrivais tout droit à la petite hôle, à l'espèce de donjon carré qui flanque la plupart des métairies léonardes et forme dans la vaste cuisine un retrait généralement réservé au maître. La fenêtre de notre apothie tôle était éclairée. J'eus assez de force pour me hisser sur les coudes et par l'entrebâillement des rideaux d'andrinople rouge, je regardais. Assis à gauche de la table, le vieux Dénès penchait sur un missel aussi jaune que glaibe son dur profil osseux. Fidèle à la coutume de sa maison, il lisait à haute voix pour ses domestiques la vie en breton du saint du jour. L'ampleur monotone de son débit avait quelque chose d'impérieux et de sacerdotal tout ensemble. Par intervalles, sans s'interrompre, il glissait un œil inquisiteur vers le fond obscur de la pièce. Quelque tailleur de chanvre, probablement, qui avait enfreint la règle du silence, ou quelque gardeuse de vaches qui s'était laissée vaincre par le sommeil. En face de lui, les doigts joints, la figure pâle comme une cire, se tenait ma mère. Ma mère, l'immense, l'infinie détresse que je comprimais en moi creva du coup. Des flots de larmes brûlantes ruisselèrent sur mon visage, et doucement, doucement, je me pris à gémir comme un petit enfant malade. « C'est moi, maman, je suis venue. » Mais tu ne sais pas, il ne faut pas que tu saches. Oh, si tu savais !» Elle, cependant, écoutait le chef de famille. En récompense de ses vertus, Dieu avait accordé à saint Ténénan le don des miracles. Brusquement, elle frissonna. Ses paupières, jusque-là religieusement baissées, se soulevèrent. Le regard attire le regard, mon ingénieur. Avant que j'eusse eu le temps de me dérober, les nôtres s'étaient rencontrés, s'étaient bu. J'entends encore son cri. « Là, là, contre la vitre, Goulven, mon fils Goulven !» Comment je réussis à grimper dans les branches inextricables de l'un des antiques pommiers qui sont en bordure de l'air, ne me le demandez pas, je serais impuissante à vous répondre. Toutes les lanternes de Kerdanou étaient déjà dehors. Longtemps, leurs lueurs se promenèrent autour du corps de logis principal, autour des hangars, autour des granges. On fouilla les étables, les bœufs réveillés mugirent. Deux ou trois fois, mes parents passèrent à portée de mon refuge. Le vieux grognait. « Des imaginations de femme, tu n'as rien vu !» Et elle, alors, « Je l'ai vue comme je te vois, et si maigrie, si hâve !» D'une voix épeurée, elle ajouta, « Si ce n'est pas lui, c'est son intersigne !»« Va, c'était l'un et l'autre, pauvre chère mame. Dans ce vivant, il n'y avait plus que la mort. » La ferme, une fois rentrée dans son immobilité et son silence, tout ce que je pus faire, ce fut de me laisser choir à bas de mon arbre. J'étais à bout. Je sentais comme de grands coups de faux qui me balafraient les entrailles. Dans ma tête vide, mes prunelles se dilataient jusqu'à faire éclater leurs orbites, et mes tempes, par contre, se serraient, se rétrécissaient. Je croyais respirer dans l'atmosphère nocturne des odeurs de pain cuit. Un fumet de soupe aux larmes caressait les narines. J'essayais de tendre les mains vers des plats illusoires. C'était atroce. Heureusement que la vision de la vieille de Plounéourménès et de son panier à victuailles traversa mon délire. La fouasse, je me rappelais la fouasse dans la poche droite de ma veste. J'étais sauvé. Ah, de quel dent j'y mordis! Le lendemain, un peu avant midi, j'étais attablé dans la grande salle de l'hôtel de la Poste à Landivisio. Des maquignons à longue blouse, des Normands et des Béarnais, venus pour la foire de mars qui allait s'ouvrir, attendaient l'heure du déjeuner en jouant aux cartes et en buvant des apéritifs. Moi, j'écrivais à ma femme. « Mon Adèle bien-aimée, je suis guérie de croire aux prophéties mensongères des sous qui brillent dans l'obscurité. J'ai trouvé tout le monde en joie à Kerdanou. Alors c'est pour m'annoncer ton retour immédiat, me diras-tu. Si je n'avais à consulter que mon envie, je serais déjà sur la route qui mènera. Je me languis de toi, mais c'est ma mère. On a tué le veau gras comme pour l'enfant prodigue, et elle prétend que je ne parte point jusqu'à ce que tout soit mangé. Quand je lui objecte que tu es là-bas, toute seule, elle me clôt la bouche en répliquant « Ta femme, elle est meilleure que tu ne dis. Ce n'est pas elle, sûrement, qui se fâchera si tu donnes à ta mère une douzaine de jours en 6 ans. Et je suis contraint d'avouer qu'elle a raison en ce qui te concerne. N'as-tu pas été la première à me recommander de prendre des vacances et de les prendre bonnes ? Je vous obéis à toutes deux et je reste. Ne compte pas sur moi avant mercredi en 8. Il se peut même, car il faut tout prévoir, qu'à cause de la difficulté des communications, je n'ai pas le temps de te joindre et que je sois obligée de m'embarquer sur le ravitailleur à Audierne, au port d'attache. Si la chose arrive, c'est moi qui serai le plus désolé, mais aussi, quelle compensation 15 jours après ? Je t'entends qui te récrie. Comment 15 jours après ? Eh oui, mon aimé, n'ai-je pas perdu mon pari ? Et ce dîner, ce fameux dîner, ne faut-il pas que nous le fassions ? Et pour qu'il ait lieu, ne faut-il pas que nous soyons tous trois réunis ? Or, cette réunion, tu sais bien qu'elle n'est pas possible à la pointe, puisque, de Loire et de moi, si l'un est à terre, l'autre est nécessairement au phare. Alors, je te donne rendez-vous le 17 avril à Gorlébella. Est-ce assez congrûment déduit ? On est guère poète en Léon, mais l'on y a le sens du calcul. Tu ne te récris plus, n'est-ce pas ? Et tu le connais maintenant, ce projet dont je t'avais tant fait mystère l'autre soir. Avais-je tort d'affirmer qu'il réaliserait un de tes rêves les plus chers ? Quant à la consigne, tant pis. Je l'ai respecté assez longtemps pour avoir le droit de la violer une fois. Des circonstances comme celle-ci ne se représentent pas tous les jours. D'ailleurs, toutes les précautions seront prises, et toutes les dispositions aussi, tu verras. Les gens de ma sorte, lorsqu'ils font une folie, la font complète. Je pars en imagination ta chambre, devine laquelle, la chambre de l'ingénieur, parbleu, et jamais elle n'aura été à pareille fête, je te promets. Mais c'est à moi surtout qu'il tarde d'y être et de vous prouver, à Loirne et à toi, que quand je perds, je sais payer. Celui qui n'a que ta pensée en tête, Gulvendenes. Cette lettre écrite et jetée à la boîte de l'Andivisio pour qu'elle portât le timbre du bureau de mon canton, j'éprouvais un tel soulagement, un tel bien-être que, durant mon retour vers les collines du Quimpérois et les abords moins riants du Cap, je repris presque goût à l'humanité. Fini la randonnée de l'âme défunte. Je me sentais désormais un passant comme un autre, un passant que rien ne presse et qui muse aux distractions de la route, sûr de trouver bon gîte à l'étape puisqu'il a le gousset garni. Le parcours était d'une trentaine de lieues. J'avais plus d'une semaine pour le faire et décidai de le faire à pied, tout uniment, non sans quelques crochets à droite, à gauche, histoire de varier les spectacles et de prolonger, comme on dit, le plaisir. De vrai, ce fut bien un plaisir, quoique d'une essence un peu particulière. Je ne gravissais pas une côte d'où la vue pouvait librement s'étendre sans me répéter, en regardant derrière moi, les houles de pays disparaître et les flèches des clochers s'amincir en pointe d'aiguille, sans me répéter, dis-je, avec une espèce de contentement sauvage. Enfonce-toi cela dans les yeux, Gulvendenes, car tu ne le reverras plus, mon brave, plus jamais. Et cette certitude du jamais plus me devenait une âpre jouissance, par tout ce qu'elle me faisait découvrir dans les choses de grâce secrète et de pénétrante douceur. Joignez que c'était, selon l'expression bretonne, la saison bénie et qu'aucun début de printemps ne se montra plus propice. Chaque matin, le soleil semblait se lever avec moi et toute la journée, je l'avais pour compagnon. J'en eus d'autres. Des pilawères en tournée, des ouvriers sur le trimard, une colonie de sabotiers qui émigraient, la hache à l'épaule, vers les bois de Cheffontaine au-delà de Quimper. Je leur emboîtais le pas, souvent même je rompais le pain avec eux, et aux auberges de mi-voix, nous trinquions ensemble. Le 1er avril, à l'heure de la mer étale, je sautais du quai d'Audierne sur le pont du Ravitailleur. « Quelle chance !» s'écria le père Lozard qui veillait à l'arrimage. « Au moins, nous n'aurons pas à faire relâche dans votre sacré trou de Bestré. » Puis, m'ôtant des mains pour le loger dans la chambre, un panier de bouteilles que je venais de prendre chez le négociant. « Du vin et du cacheté encore, fichtre ! Il y a donc une noce en perspective au château de Gorlébella. »« Comme vous dites, patron, vous en entendrez parler quelques jours. »